Serait-ce un Danton ? Entre Julien et moi, il n'y a point de signature, de contrat, point de notaire. Tout est héroïque, tout sera fils du hasard. À la noblesse près qui lui manque, c'est l'amour de Marguerite de Valois pour le jeune Lamoule, l'homme le plus distingué de son temps. Est-ce ma faute à moi si les jeunes gens de la cour sont de si grands partisans du convenable ? Dès qu'ils se voient seuls, ils ont peur du ridicule, et cette peur les rend fous. Mon petit Julien, au contraire, n'aime à agir que seul. Jamais, dans cet être privilégié, la moindre idée de chercher de l'appui et du secours dans les autres. Il méprise les autres. C'est pour cela que je ne le méprise pas. Mademoiselle de La Mole était si préoccupée de ses beaux raisonnements que le lendemain, sans s'en douter, elle vantait Julien au marquis de Croisenois et à son frère. Son éloquence alla si loin qu'elle les piqua. « Prenez bien garde à ce jeune homme qui a tant d'énergie, » s'écria son frère. « Si la révolution recommence, il nous fera tous guillotiner. » Mathilde les quitta bientôt. Le mot de son frère lui faisait horreur. Il l'inquiéta beaucoup. Mais dès le lendemain, elle y voyait la plus belle des louanges. Dans ce siècle où toute énergie est morte, son énergie leur fait peur. « Ce serait un Danton ?» ajouta-t-elle après une longue et indistincte rêverie. Du moment qu'elle eut décidé qu'elle aimait Julien, elle ne s'ennuya plus. C'était pendant que ces grandes incertitudes agitaient Mathilde que Julien ne comprenait pas ces longs regards qui s'arrêtaient sur lui. « Oui, il est impossible que je me le dissimule, » se disait Julien. « Mademoiselle de La Mole me regarde d'une façon singulière. Mais même quand ses beaux yeux bleus fixés sur moi sont ouverts avec le plus d'abandon, j'y lis toujours un fond d'examen, de sang-froid et de méchanceté. Est-il possible que ce soit là de l'amour ? Quelle différence avec les regards de Madame de Rênal !»